société a des difficultés. Les banques se font du fric. Certains quittent la France pour ne pas payer la redevance. Moi, on me taxe tous les jours. Le fric, le fric, le fric, le flouze. Le flouze, le fric, le fric, le flouze. Faut pas rêver, c'est mafia blues. Le flouze, faut pas rêver, c'est ma fiable vie.